Mardi le 27 septembre, il est 12h30, ici Dominique Lelièvre pour les informations à CKRL. D'abord, des élus municipaux et plus de 200 intervenants sont réunis au séminaire de Québec dans le cadre d'un colloque sur le patrimoine. La Ville souhaite élaborer sa stratégie en la matière pour les 10 prochaines années. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé qu'il injectait 15 millions de dollars sur 10 ans dans cette église patrimoniale pour en assurer l'entretien et la préservation. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, l'église Saint-Jean-Baptiste et l'église Saint-Roch font partie des églises qui en bénéficieront. Et le second procès d'Alain Perrault s'est poursuivi aujourd'hui au palais de justice de Québec. Cet homme accusé du meurtre de Lynn Massicotte en 2003, la défense a procédé au contre-interrogatoire de l'agent d'infiltration qui a approché le premier Alain Perrault et qui a ultimement obtenu ses aveux. On a appris donc plus de détails sur ses opérations de type Mr. Big, notamment que les coûts de ces opérations ont explosé, certaines pouvant coûter jusqu'à 500 000 $. C'est qu'en raison de leur médiatisation, les suspects sont plus alertes et au courant de la technique et les policiers sont donc contraints de monter de toutes pièces des opérations toujours plus sophistiquées et ainsi plus coûteuses également. À Québec, l'heure de pointe a été compliquée ce matin par des travaux qui se sont prolongés sur Grande Allée. La présence d'une pelle mécanique a bloqué les deux voies de circulation en direction ouest. Les travaux auraient dû être complétés à 6 heures ce matin, mais les ouvriers de la Ville de Québec ont découvert un bris d'égout et ont eu besoin d'un délai supplémentaire. La situation devrait rentrer dans l'ordre à temps pour l'heure de pointe de l'après-midi. Enfin, c'est jour de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y aura une première période de questions cet après-midi au Salon Bleu. Ce matin, le Parti québécois et Québec solidaire ont repris leur combat contre le projet de réforme de l'aide sociale. Le gouvernement libéral laisse planer la menace du bâillon. Les opposants aimeraient, eux, que les négociations se poursuivent. Ils ont soumis au ministre de la Solidarité sociale, François Blais, une nouvelle proposition dans laquelle ils acceptent qu'il y ait des sanctions contre les nouveaux demandeurs qui ne se soumettent pas à un programme d'employabilité et en échange, les opposants souhaitent que l'État engage plus de personnel pour venir en aide aux prestataires.